Pénétrez dans les coulisses de la recherche avec la revue Carnet de Sciences. Dans ce sixième numéro, entre phénomènes sociaux et avancées technologiques, un grand dossier sur l'union du sport et de la science. Plongez en eau profonde à la découverte des coquillages, sentinelles des océans. Hissez-vous au pic du Midi, la tête dans les étoiles pour observer notre système solaire. Explorez les mécanismes de la douleur et portez un autre regard sur l'histoire du continent africain. Reportages, photos, entretiens, points de vue à découvrir dans Carnet de Sciences, la revue du CNRS, tous les six mois dans les relais et librairies. La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, tête, tête, tête. Carré. Face au cancer, c'est très souvent la peur qui domine, peur d'avoir mal, peur des traitements, des changements physiques et surtout peur de la mort. Le cancer existe sur Terre depuis la nuit des temps puisqu'il serait apparu il y a 1 milliard d'années et que de très nombreuses espèces animales ont été atteintes bien avant nous. Le chercheur Frédéric Thomas est biologiste de l'évolution. Il s'intéresse à l'origine infectieuse et à l'évolution du cancer et il propose dans un ouvrage passionnant des théories nouvelles sur les causes du cancer. L'occasion de réfléchir donc sur notre évolution, notre environnement. L'abominable secret du cancer paraît aux éditions Humaine Science et Frédéric Thomas est mon invité dans un instant pour répondre à toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la Une de la Science, on parle d'une étude majeure pour la compréhension des hommes de Denisova. Oui Mathieu, des scientifiques ont retrouvé une mandibule de Denisovien et grâce à elle, le mystère qui entoure ces hominidés se fait un peu moins épais. On en parle tout de suite. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons le rendez-vous Science Grand Format de France 5, consacré ce soir à Titan, le plus grand satellite naturel de Saturne. Claire Destacan est aux commandes de l'émission préparée aujourd'hui par Sophie Vaux. La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Frédéric Thomas. Bonjour Mathieu Vidard. Bienvenue, vous êtes biologiste de l'évolution et donc vous publiez chez Humaine Science l'abominable secret du cancer. C'est pas avec un titre pareil que vous allez nous rassurer sur cette maladie qui effraie évidemment beaucoup de monde. C'est quoi cet abominable secret exactement ? Alors c'est vrai que le cancer, ces 6 lettres qui sont terrifiantes pour la plupart des gens, donc c'est un abominable secret, en fait c'est sa nature même, c'est ce que je raconte donc dans cet ouvrage, c'est-à-dire son origine dans l'histoire de la vie il y a plus d'un 1/2 milliard d'années jusqu'à son développement en temps réel chez une personne qui est malade et j'essaie de montrer aux gens à quel point ceci est un pur problème de biologie évolutive, donc depuis son origine même dans l'histoire de la vie jusqu'à le développement de la maladie. Mais en quoi c'est abominable? Alors justement c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ce qui est abominable, c'est surtout son résultat, puisqu'en fait, on s'aperçoit dans cet ouvrage, en fait, que le cancer utilise les mêmes mécanismes, les mêmes processus évolutifs que l'ensemble du vivant. Et en fait, c'est dans la façon de l'agencer qu'on arrive d'agencer ces mécanismes qu'on arrive à ce secret, enfin, ce résultat qui, lui, est abominable. Mais c'est vrai que les processus mêmes, ce sont les mêmes que ceux qui opèrent dans le reste du vivant. Comment, justement, vous, en tant que biologiste de l'évolution, vous avez été amené vraiment à travailler sur le cancer? Alors, je me suis tout d'abord intéressé au comportement animal et puis à la façon dont les espèces évoluent. J'ai travaillé pendant de nombreuses années sur le comportement animal, en particulier la parasitologie, donc cette science qui étudie les organismes qui se sont spécialisés dans l'art de l'exploitation des autres. Et puis, un jour, c'est vrai que ma mère est décédée du cancer et donc c'est vrai que, c'est un phénomène biologique. Après de très nombreuses années. Ça durait très très longtemps. 25 ans de lutte. Et c'est un processus biologique, je suis biologiste et c'est vrai qu'on se sent particulièrement impuissant dans ces moments-là. Et donc là, j'ai commencé à vraiment regarder dans le monde quels étaient les chercheurs qui pouvaient éventuellement travailler sur le cancer avec l'approche des sciences de l'évolution. Et donc là, je me suis aperçu qu'il y avait des laboratoires tout à fait remarquables aux États-Unis, notamment à San Francisco. Donc je me suis rendu à San Francisco, j'ai commencé à travailler et puis je me suis aperçu que je pouvais moi aussi largement contribuer à améliorer notre compréhension du cancer grâce aux sciences de l'évolution. Et donc, j'ai l'immense chance de travailler au CNRS, où on laisse carte blanche aux chercheurs, dès lors qu'ils sont productifs, bien sûr. Et donc, du coup, je me suis passionné pour la question du cancer, qui finalement est une forme de vie parasitaire comme une autre. Au point même de pouvoir envisager de nouvelles stratégies thérapeutiques, alors, à la lumière, précisément, de la biologie de l'évolution. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, les sciences de l'évolution apportent un éclairage décisif sur l'origine de la maladie, mais de plus en plus, on s'aperçoit que ça peut aider à mettre au point des nouvelles thérapies. Puisqu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'immense majorité des gens qui meurent du cancer, c'est parce que nos thérapies vont progressivement sélectionner les variants qui sont résistants. Et quand il y a trop de résistants et qu'on ne peut plus rien faire, et ben on assiste impuissant au décès de la personne. Et c'est la principale raison pour laquelle les gens meurent du cancer aujourd'hui. Et c'est vrai que les sciences de l'évolution peuvent apporter des solutions nouvelles pour justement éviter ce scénario catastrophique où on n'a plus que des variants résistants. Et donc ça, c'est typiquement un travail que savent faire les biologistes de l'évolution. Et on va voir comment on peut s'y prendre justement quand on connaît le cancer avec ses mécanismes précisément liés à l'évolution. Vous êtes notre invité Frédéric Thomas et vous répondrez bien sûr aux messages des auditeurs, toutes les questions qui arrivent sur le site de l'émission franceinter.fr. A tout de suite. Aujourd'hui, Héloïse, on part très loin et surtout très haut pour la Une de la Science sur les hauts plateaux tibétains. Et oui, puisque c'est de là que vient la mandibule de Denisovien qui fait la une aujourd'hui, d'une grotte tibétaine à 3280 mètres d'altitude. La découverte de cette mandibule est un événement majeur puisque grâce à elle, les scientifiques pensent tenir le premier Denisovien hors de la grotte de Denisova. L'étude est publiée dans la revue Nature. Pour parler de cette découverte, nous sommes au téléphone avec un des auteurs de l'étude, Jean-Jacques Hublin. Bonjour. Bonjour Héloïse. Vous êtes paléoanthropologue, directeur à l'Institut Max Planck de Leipzig et professeur au Collège de France. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement comme qui étaient les Denisoviens? Alors, les Denisoviens, c'est un groupe qu'on appelle un groupe frère des Néandertaliens, c'est-à-dire une branche de l'évolution des hominines eurasiatiques. Qui a évolué à la même époque que les Néandertaliens, mais en Asie. Et c'est un groupe qui a été découvert dans le sud de la Sibérie, dans l'Altaï, et qui a été au départ mis en évidence simplement sur de l'ADN et non pas sur des restes fossiles très très complets. Hein. Donc on sait beaucoup de choses sur son génome, et jusqu'à aujourd'hui, on ne savait rien sur son apparence. Et justement, aujourd'hui, vous tenez une mandibule. Racontez-nous un peu comment elle est arrivée jusqu'à vous, parce que je crois que c'est un peu romanesque. Alors, cette mandibule, en fait, a été découverte il y a très longtemps, à l'époque où j'étais encore un jeune chercheur qui espérait avoir un poste au CNRS. Et elle a été découverte par un moine tibétain dans une grotte, qui est un sanctuaire religieux, et où les gens viennent récolter des os sacrés dont ils font de la poudre pour en faire un médicament en fait. Hein. Et alors ce moine tibétain l'a offerte au sixième Bouddha vivant, qui l'a gardé pour moi pendant toutes ces années, et qui quand même, sur la fin, a décidé de la donner à une université chinoise. Donc c'est comme ça que l'étude a pu commencer. Et alors, donc vous nous le rappeliez, avant on avait de l'ADN. Est-ce qu'on avait d'autres éléments concrets sur Denisovien avant cette mandibule? Alors, deux choses. D'une part, on sait qu'il y a des traces d'ADN denisovien dans les populations asiatiques actuelles et plus encore en Australie, en Mélanésie. Et donc ça suppose que ces Denisoviens ont eu une extension géographique beaucoup plus vaste et que c'est avec le mélange de populations qui a pu se produire quand les hommes modernes sont arrivés dans le sud de l'Asie, eh bien que cet ADN denisovien a été fixé dans le génome des ancêtres des Australiens. Et puis d'autre part, on a en Asie, surtout en Chine, toute une série de fossiles qui étaient des candidats potentiels pour être denisoviens, mais sans ADN. Donc on avait d'un côté de l'ADN et pas de morphologie à Denisova, et puis en Chine, des fossiles avec beaucoup de morphologie, mais pas d'ADN. Et alors, ce fossile retrouvé au Tibet, qu'est-ce que vous avez pu en faire et quel résultat vous avez pu en tirer? Alors, malheureusement, ce fossile ne contient pas d'ADN non plus, mais nous avons utilisé une méthode qui est une méthode nouvelle, qui est une méthode différente, qui consiste non pas à rechercher uniquement de l'ADN, mais à s'intéresser aussi à des protéines qui, elles, se conservent beaucoup plus longtemps que l'ADN. Et ces protéines sont formées par des chaînes d'acides aminés qui, dans le fond, transcrivent une partie de l'ADN, en tout cas. Et donc, eh bien, au fil des mutations, des changements qui se produisent dans chaque lignée évolutive, eh bien, elles se modifient. Donc, on peut identifier avec des protéines, on peut identifier des groupes animaux ou humains différents les uns des autres. Donc, c'est cette méthode qui a été mise en œuvre et qui s'est révélée tout à fait fructueuse, puisque on a pu montrer que les protéines qui étaient contenues dans cette mandibule, eh bien, étaient des protéines qui correspondaient à l'ADN des Denisoviens de la grotte de Denisova dans l'Altaï. Et donc, on a fait la liaison entre un fossile qui, lui, a beaucoup de caractères morphologiques qu'on peut étudier, et puis les fameux Denisoviens. Et donc, d'une part, ça prouve que ces Denisoviens ont bien existé ailleurs qu'en Sibérie, en Chine notamment. Et puis, ça permet aussi d'aller revisiter des fossiles chinois que l'on connaît déjà et de montrer que bien certains ressemblent beaucoup à cette mandibule et donc sont probablement des Denisoviens aussi. Et vous avez pu le dater également, hein, ce fossile ? Alors, malheureusement, évidemment, il a été récolté dans des conditions qui font qu'on a du mal à le relier à un niveau archéologique particulier dans cette grotte. Mais heureusement, il restait sur l'os une croûte de carbonate, de calcaire, qui, elle, a pu être datée par une méthode qu'on appelle l'uranium-thorium et qui nous donne un âge de 160 000 ans. Donc maintenant qu'on sait ça, ça veut dire qu'on apprend que l'homme de Denisova était un montagnard. Il vivait très très haut. Alors, peut-être pas tous les hommes de Denisova, hein, mais il y avait au Tibet, il y a 160 000 ans, une population qui était adaptée à la vie en haute altitude. Et je dois dire que, de mon point de vue, c'est ça qui est l'aspect peut-être le plus extraordinaire de cette découverte, parce que dans le fond, des Denisoviens, on savait bien qu'à un moment donné, on en trouverait ailleurs en Asie, mais personne n'imaginait encore la semaine dernière qu'il pouvait y avoir des hominines archaïques vivant à une altitude pareille. Et est-ce que ça permet aussi de savoir si ces caractéristiques ont été héritées ensuite des hommes modernes, ces caractéristiques de vie en altitude ? Alors exactement, ce qui est tout à fait intéressant aussi dans ce travail, c'est que on a recherché, je vous l'ai dit, de l'ADN de Denisoviens dans les populations asiatiques actuelles. En Asie continentale, il y a très très peu, moins d'1%. Mais dans la région du Tibet, les Tibétains actuels ont une variante d'un gène qui leur permet d'être adaptés à la respiration d'une atmosphère pauvre en oxygène. Et on s'est aperçu que ce variant-là se retrouvait dans le génome des Denisoviens de Denisova. C'était très difficile à comprendre parce que ces Denisoviens de Sibérie, ils ne vivent pas en haute altitude. Là, c'est la clé du mystère que vous avez Alors, trouvé. Alors voilà, maintenant, on pense qu'il y avait une population assez importante de Denisoviens dans le nord de la Chine, le plateau tibétain, avec des connexions avec le sud de la Sibérie, et que la sélection de cette allèle s'est fait il y a très longtemps sur le haut plateau tibétain et au moment où les hommes modernes, nos ancêtres, sont arrivés dans cette région du monde, eh bien, avec des échanges génétiques avec les populations archaïques locales, eh bien, ils ont acquis cette variante génétique et elle a été probablement très vite fixée par la sélection naturelle parce qu'elle était très avantageuse. Frédéric Thomas, on peut imaginer qu'il y avait des cancers déjà chez les hommes de Denisova. Oh oui, certainement. Ouais. Peut-être moins qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'ils vivaient sans doute moins longtemps que nous. Et puis, je pense qu'ils mangeaient bio et qu'ils n'étaient pas forcément exposés au même environnement, aux gaz d'échappement, etc. Mais ils avaient certainement des cancers, ça c'est sûr. En tout cas, elle a eu chaud votre mandibule, hein, Jean-Jacques Hublin, parce qu'elle aurait pu devenir de la poudre de perlimpinpin. Hein. Oui, alors il paraît que ça soigne des tas de choses. Hein. C'est très chic de se faire soigner grâce à l'homme de Denisova. Alors là, pour le coup, je connais pas le prix du traitement, mais ça doit coûter très très cher. Enfin, on doit une fière chandelle au sixième Bouddha vivant. Absolument. Merci à lui. Absolument. Je crois que c'est la... Enfin, je suis sûr, hein, c'est la première fois que j'écris un article scientifique. Ouais. dont les remerciements commencent quand même par les remerciements vivants. Hein. C'est vrai, absolument. Voilà. Merci en tout cas, et c'est grâce à lui que vous faites la une de Nature, grâce à cette mandibule de l'homme de Denisova qui nous permettrait de poursuivre finalement l'histoire évolutive de ce genre humain. Merci beaucoup Jean-Jacques Hublin, et puis Héloïse, on se retrouve demain. À demain Mathieu. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique aux États-Unis, une femme en attente de greffe a reçu son nouveau rein grâce à un petit drone. Le 19 avril, un drone a décollé d'un parking de Baltimore avec un rein réfrigéré dans de la glace. Il a parcouru plus de 4 km à 120 mètres d'altitude avant d'atterrir sur le toit de l'hôpital universitaire du Maryland. Le drone répond à la grande problématique du transport d'organes qui est le temps. Et en 2018, aux États-Unis, 4% des transferts d'organes ont subi un retard d'au moins 2 heures. Le chirurgien et leader du projet, Joseph Scalea, croit en l'avenir de ce mode de livraison. Selon lui, il pourrait se généraliser d'ici 5 à 10 ans. Les hippopotames sont de véritables pompes à silicium sur pattes. En mangeant d'énormes quantités d'herbes riches en dioxyde de silicium et en passant la journée suivante à flâner dans l'eau où ils digèrent et défèquent, les hippopotames font passer l'élément de la terre à l'eau, et pas en petite quantité. Des scientifiques de l'université d'Anvers ont étudié les niveaux de silicium dans un écosystème dominé par les hippopotames dans le sud-ouest du Kenya. Ils ont montré que les animaux étaient responsables de 76% de son mouvement. Ce transport de silicium est vital pour l'écosystème, les algues en ont besoin et elles fournissent de la nourriture aux autres plantes et animaux des cours d'eau. Et puis des scientifiques de l'université d'Arizona ont procédé à la toute première mesure de la quantité d'eau contenue dans des échantillons d'astéroïdes. Les échantillons provenaient de l'astéroïde Itokawa et ont été recueillis par la sonde spatiale japonaise Hayabusa. Les résultats sont publiés dans la revue Science Advances et nous y reviendrons demain à la une de la science. Allez, le cancer et la biologie de l'évolution, dossier dans un instant. Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle, celle dont j'ai l'air? Souvent je change. C'était la voix de Clara Luciani. La tête au carré, Mathieu Vidard. Dans notre organisme, les cellules se renouvellent de façon régulière. Mais lorsqu'un cancer se déclare, les cellules se renouvellent de façon anarchique et désordonnée, formant ainsi une grosseur appelée tumeur. D'abord localisée sur un organe, par exemple le poumon ou le côlon, cette tumeur peut dans certains cas continuer sa progression à cause des cellules qui la constituent. Certaines de ces cellules se détachent de la tumeur et passent dans le sang. On les appelle cellules tumorales circulantes, c'est-à-dire des cellules cancéreuses. Et c'est ainsi que le cancer se propage dans notre organisme. Par le sang, ces cellules cancéreuses peuvent atteindre au bout de quelques mois ou années d'autres organes, comme le foie ou même le cerveau. En s'implantant dans ces autres organes, ces cellules qui dérivent de la tumeur mère produisent de nouvelles tumeurs filles appelées métastases. Voilà, extrait d'une vidéo sur Arte en 2015, comment se forme un cancer, et l'objet de ce livre, Frédéric Thomas, que vous publiez chez Humaine Science, L'abominable secret du cancer. Vous êtes biologiste de l'évolution, directeur de recherche CNRS dans ce laboratoire, le MIGEVEC, laboratoire maladies infectieuses et vecteurs, et vous êtes aussi co-directeur du CRIC, c'est le centre de recherche écologique et évolutif sur le cancer, et vous avez reçu la médaille d'argent du CNRS en 2012. Les auditeurs nous rejoignent avec des questions et des messages sur franceinter.fr. Ce qu'on vient d'entendre, la description finalement de la propagation du cancer, c'est ce que vous décrivez tout à fait exactement dans l'ouvrage. Ça correspond à ça. Bon, déjà, c'est une famille de maladies. Il n'y a pas un seul cancer. C'est vraiment une famille de maladies qui se caractérise donc par une prolifération anarchique de cellules devenues immortelles, capables effectivement de stimuler la croissance de vaisseaux qu'apportent oxygène et nutriments à la tumeur. C'est une sorte de manipulation. Oui. Les cellules cancéreuses sont capables de domestiquer les cellules saines. Et puis ensuite, par ces mêmes vaisseaux, et bien effectivement, comme cela vient d'être dit, elles sont capables de partir pour installer donc des foyers cancéreux secondaires dans l'organisme, qu'on appelle ces fameuses métastases, et qui entraînent souvent le décès de la personne malade si elle n'est pas soignée correctement. C'est essentiellement les métastases qui tuent les gens. Ouais. Alors justement, les cancers sont en passe de devenir la première cause de mortalité dans le monde. C'est plus de 8 millions de morts par an, avec une quinzaine de millions de cas déclarés chaque année. On est quand même face à une sorte d'échec quand même relatif de la médecine aujourd'hui par rapport à ces maladies cancéreuses. Alors, ce qu'il faut savoir et quand même souligner, c'est qu'il y a eu des progrès fantastiques qui ont été faits par rapport justement à la guérison. Mais c'est vrai que les cancers métastatiques, donc c'est-à-dire quand ils ont commencé à diffuser, restent toujours incroyablement difficiles à soigner. Donc, pourquoi on n'y arrive pas alors finalement ? Alors on n'y arrive pas parce qu'en fait nous sommes en face d'un phénomène évolutif, c'est-à-dire que si le cancer est si difficile à soigner, c'est qu'il a un véritable comportement darwinien, il évolue dans notre corps, et c'est à cause de cela qu'il vient contourner d'abord nos défenses naturelles, puis ensuite nos thérapies. Et c'est vrai que ça fait 50 ans que la recherche sur le cancer est aux mains de scientifiques extrêmement brillants, mais qui ne sont pas formés aux sciences de l'évolution. Alors que c'est un problème évolutif. Et on commence, j'ai envie de dire, depuis seulement peu de temps à travailler ensemble et en fait de regarder finalement la même forêt que les cancérologues, mais avec un nouvel angle. Et donc du coup, on voit de nouveaux arbres. Et donc c'est en travaillant ensemble qu'on va améliorer notre compréhension de cette maladie pour mieux la soigner. Donc il y a tout un travail à faire évidemment avec les médecins et les chercheurs qui ne sont pas forcément dans ce domaine de la biologie de l'évolution. Alors vous qui évidemment êtes dans ce secteur et qui défendez bien sûr vos recherches, comment vous observez un petit peu finalement le contexte aujourd'hui de la recherche sur le cancer, et qu'est-ce que vous espérez pouvoir arriver à faire dans les décennies qui viennent ? Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même là de plus en plus d'articles qui sortent dans des journaux prestigieux comme les revues Nature et Science, justement, qui envisagent le cancer comme un processus évolutif, et donc il y a de plus en plus de cancérologues qui pensent effectivement qu'il faut absolument qu'on ait des recherches transdisciplinaires pour améliorer ces recherches. Donc moi je suis extrêmement optimiste, et d'ailleurs à chaque fois que je donne des conférences dans des congrès de médecine, je suis extrêmement bien accueilli et les gens trouvent ça extrêmement intéressant, et j'ai des collaborations maintenant avec l'Institut Curie, avec la mise au point éventuellement de nouveaux traitements, je pourrai en reparler après, basés justement sur cette interface entre les sciences de l'évolution et la cancérologie pure. Ouais. Voilà. Un optimisme qui nécessite de la patience quand même, bien sûr. La recherche, c'est une bête, le crabe, la patience, bien sûr. Et puis, combien même on trouve des solutions qui vont marcher, tout d'abord dans des boîtes de pétri, après il faut essayer ça sur des souris, puis après passer à des essais cliniques. Et donc souvent, entre le moment où on a une idée géniale et le moment où vraiment ça peut soigner les gens, il se passe du temps. Patrice sur franceinter.fr nous dit, il paraît que nous sommes presque tous porteurs de cancers qui n'évoluent pas forcément. Quel phénomène détermine l'évolution d'un cancer ? Alors ça vous en en parler aussi, c'est tout à fait passionnant, puisque effectivement, nous sommes tous porteurs, les hommes par exemple dans la prostate, les femmes par exemple dans le sein, de cellules, mais qui ne vont pas forcément faire des cancers. Tout à fait, un nombre croissant d'études ont montré qu'en fait, nous avons tous donc des processus cancéreux, des processus oncogéniques dans notre corps, et en fait, plus on vieillit, plus on en a. Donc ces études, en fait, ont été réalisées à partir de gens qui se tuaient pour d'autres raisons, accidents de voiture ou d'autres maladies. Et donc là, on s'est aperçu en fait que la vraie question, c'est pas de savoir si on a des cellules cancéreuses ou pas, parce que la réponse est très simple, si on en a tous. Et plus on vieillit, plus on en a. Effectivement, après 40 ans, 37% des hommes ont déjà des cellules cancéreuses dans la prostate. À 20 ans, c'était 9%. On a la même chose dans la thyroïde, les femmes ont la même chose dans les seins, etc. Donc la vraie question, c'est de savoir lesquelles vont évoluer vers des formes invasives qui sont effectivement des cancers, qui sont des tueurs. Mais donc en fait, c'est simplement, il faut bien avoir conscience que les cancers qui nous tuent, c'est une toute petite partie de la partie émergée de l'iceberg parmi l'ensemble des processus oncogéniques. Donc nous avons coévolué avec le cancer. Absolument. Ça fait partie même du monde vivant. Absolument, c'est une maladie qui est apparue lors de la transition entre les organismes unicellulaires et multicellulaires, donc il y a plus d'un milliard d'années. Oui. Hein, et j'ai envie de dire que dès qu'un organisme a plus de deux cellules aujourd'hui, bah, il y a un risque à ce qu'il y ait un égoïsme unicellulaire ancestral et que le cancer revienne. Ouais. Ça veut dire quoi alors exactement? Racontez-nous ça, parce que cet égoïsme-là que vous décrivez concrètement dans la cellule, ça veut dire quoi? Alors concrètement, ça veut dire que avant d'être multicellulaire comme vous et moi, et les chiens, les chats et bien d'autres animaux, la vie était donc unicellulaire. Elle est d'ailleurs restée unicellulaire pendant 2 à 3 milliards d'années, où il n'y avait pas de cancer, et il y a d'ailleurs encore plein d'organismes unicellulaires. Et puis au cours de l'évolution, la vie s'est complexifiée pour faire donc des entités multicellulaires, qui sont donc des sociétés de clones. Hein. On est à des milliards de cellules qui sont des clones. Et donc là, il y a eu une spécialisation, une répartition des tâches, parce que c'est extrêmement efficace, et donc seules certaines cellules sont destinées à la reproduction, qui sont les cellules sexuelles. Donc il faut bien prendre conscience que la multicellulaire cellularité existe et est fonctionnelle grâce à des milliards de sacrifices reproductifs. C'est-à-dire qu'il y a des tas de cellules, la vocation, les cellules de votre peau par exemple, n'ont pas de vocation à se reproduire. Elles vont se diviser, bien sûr, si vous vous coupez parce qu'il faut cicatriser, mais là c'est sous un ordre collectif et extérieur de le faire, mais autrement elles n'ont pas vocation à se reproduire. Et donc lorsque malheureusement certaines de ces cellules, donc des tricheurs, comme il en existe dans tout système coopératif, lorsque ces cellules rebasculent dans cette tentation de la reproduction, c'est le cancer. C'est ça avant tout le cancer. Donc c'est un espèce de retour vers un égoïsme ancestral. Ouais. Avec une coopération, hein. C'est un boulot collectif, oui, finalement. Sûr. C'est ça qui est très important. Exactement. Aussi, hein. Alors ce qui est hallucinant et fantastique en même temps, c'est de voir à quel point le cancer finalement va se restructurer en une tumeur dans laquelle il y a encore une répartition des tâches. Hein. C'est pas un amas de cellules déstructurées, c'est extrêmement structuré, une tumeur avec certaines cellules spécialisées dans l'approvisionnement, etc. Et donc en fait, la même logique que celle qui s'est passée pendant des millions d'années d'évolution des organismes multicellulaires se répète en temps réel à l'intérieur de la tumeur lorsqu'elle se développe. Oui, puisqu'on a presque l'impression d'une sorte d'anarchie cellulaire dans la multiplication, justement, dans la dégénérescence. Mais en réalité, il y a une très très bonne organisation, vous décrivez. Il y a une bonne organisation, mais en fait, alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que prenez par exemple l'embryon humain. En 9 mois, vous avez un très joli bébé. Bon, alors on dit ok, c'est parfait, mais là, il y a des millions d'années de recul évolutif où il y a un programme extrêmement défini. Et c'est pour ça qu'en seulement 9 mois, on arrive à partir d'une seule cellule à avoir un organisme complet. Là, effectivement, avec le cancer, c'est une maladie ancestrale, mais dans l'immense majorité des cas, il y a des exceptions, on va en parler, mais dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de transmission. Le produit génétique de la tumeur, il n'est pas transmis, simplement parce que la tumeur va disparaître avec le décès de la personne du cancer ou d'autres choses. Donc du coup, effectivement, on peut se poser la question de savoir comment, en seulement quelques mois ou quelques années, on évolue d'une seule cellule qui déraille à un système coopératif complexe, un écosystème dans l'écosystème, avec de fortes similarités entre les organes, les individus, les espèces. Et en fait, les réponses à ça, c'est soit une sélection convergente très forte, c'est-à-dire que finalement, seules les cellules cancéureuses qui arrivent à se structurer, ces espèces de tumeurs bien organisées, arrivent à perdurer, hein, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on ne voit que les cancers qui réussissent, sur on ne sait combien de candidats qui tentent chaque jour. Et puis une autre hypothèse très intrigante, c'est d'imaginer qu'il y avait en fait une feuille de route enfouie. Et donc ça, c'est l'hypothèse atavique du cancer, qui stipule que le cancer correspondrait en fait à la réactivation de programmes génétiques ancestraux qui ont été sélectionnés pendant le précambrien. Alors c'est vrai qu'à cette période de la vie sur Terre... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on avait des organismes qui étaient unicellulaires. Et pour faire simple, La seule chose qu'on leur demandait, c'était de proliférer tant qu'ils pouvaient, dans des conditions souvent adverses. Et donc la multicellularité s'est construite à partir de cette unicellularité. Alors il ne fait aucun doute que si la sélection naturelle travaillait comme un parfait ingénieur, elle aurait certainement, purement et simplement, éliminé bon nombre des adaptations de ces unicellulaires pour bâtir des organismes multicellulaires fonctionnels. Le problème de la sélection naturelle, c'est qu'elle ne travaille pas comme un parfait ingénieur, mais comme un bricoleur aveugle et dépourvu de tout sens moral qui ne fait qu'optimiser une situation par rapport à une autre, à celle d'avant, et donc sans vision à long terme. Et donc du coup, il y aurait encore des restes de ces adaptations d'une cellulaire pour conduire finalement à ce résultat idiot, ubuesque d'accident où des organismes modernes et complexes comme nous se retrouvent soudainement en compétition avec des entités vivantes qui ont des adaptations du précambrien. Ce qui permettrait au passage d'expliquer pourquoi les cellules cancéreuses sont particulièrement à l'aise dans les environnements acides et anoxiques, puisqu'en fait c'était une condition qui était très prévalente au précambrien. L'abominable secret du cancer, c'est cette histoire que vous racontez dans cet ouvrage qui paraît chez Humaine Science, et vous êtes notre invité, Frédéric Thomas. Ministry, Danger Mouse et Karen O à l'instant. La tête au carré sur France Inter. Frédéric Thomas, l'abominable secret du cancer, derrière ce titre quelque peu anxiogène, eh bien, c'est une histoire absolument passionnante que vous nous livrez sur l'évolution justement du cancer au fil des millénaires et au fil des millions d'années, même puisqu'on remonte très très loin chez ces Humaine Science. Vous évoquez d'ailleurs les dinosaures, ça peut paraître anecdotique, mais pourtant ces animaux avaient aussi le cancer. Oui, ils avaient des cancers. En fait, c'est pas surprenant du tout parce que les dinosaures, c'est très récent par rapport à l'origine de la multicellularité. Il y a plus d'un milliard d'années. Donc en fait, les dinosaures avaient des cancers. Alors, est-ce que les plus gros animaux sont plus facilement porteurs de cancer que les petits ou pas? Ou il n'y a pas de règle là-dessus? Alors, figurez-vous que c'est un projet de recherche qui occupe plein de laboratoires, ça, en fait. Puisque, effectivement... Entre la baleine et la souris. Un cancer, c'est avant tout, à la base, une cellule qui déraille et qui va former une tumeur. Donc, effectivement, on peut naïvement et légitimement se poser la question, plus un animal est de grande taille et vit longtemps, plus il devrait avoir plein de cancers par rapport à un animal qui vit pas très longtemps et qui est tout petit. Donc du coup, les baleines devraient avoir plein de cancers par rapport aux petits rongeurs. Et en fait, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que c'est un vrai paradoxe. Et l'explication à ce paradoxe, c'est là encore l'évolution, qui propose que les espèces de grande taille et longévives n'ont pu perdurer sur des temps évolutifs que si elles ont été capables de façon concomitante de mettre en place dans leur génome, dans leur physiologie, des barrières naturelles anti-cancer. Donc ça veut dire que pour les chercheurs, c'est fascinant d'aller rechercher quels sont ces secrets qui ont été sélectionnés par la sélection naturelle pour gérer les problèmes cancéreux. Donc on sait par exemple que l'éléphant, son secret, pour ne pas avoir plus de cancer que les humains malgré sa grande taille, eh bien c'est 20 copies d'un gène suppresseur de tumeurs, alors que chez nous, humains, il y a seulement une seule copie. Et il y a des animaux qui intéressent particulièrement les chercheurs, comme le rat taupe nu, cet horrible animal très moche, mais alors vraiment qui a des stratégies de défense absolument formidables. On le trouve dans les galeries d'Éthiopie, entre autres. Donc c'est un animal, donc si vous, les curieux peuvent aller voir sur internet à quoi ressemble le rat taupe glab, vous verrez qu'il y a un certain prix esthétique à payer. donc c'est un animal, il est tout à fait surprenant, il est gros comme une souris, mais il peut vivre une trentaine d'années, ce qui est absolument incroyable pour un animal de cette taille, il n'y a pas de cancer. Et on va écouter un petit reportage de National Geographic à son sujet. Le rat taupe nu ne produit pas le neurotransmetteur de la douleur appelé substance P, la substance qui transmet la douleur au cerveau. On pense que c'est une adaptation à la vie souterraine, où une concentration élevée en CO2 provoquerait chez des mammifères normaux l'acidose des tissus. Comme si ce petit être n'était pas déjà assez remarquable, le rat taupe nu et son incroyable capacité d'adaptation vont encore plus loin. Il est totalement immunisé contre le cancer. Ce rongeur possède un gène qui empêche les cellules de proliférer de manière incontrôlée et de se transformer en cancer. On n'a jamais observé le moindre cancer chez le rat taupe nu. En l'étudiant, on espère mieux comprendre cette maladie pour peut-être réussir un jour à la combattre et pourquoi pas la prévenir. Alors prenez le temps d'apprécier les petites choses de la vie. Elles ne sont peut-être pas toujours jolies, mais elles pourraient nous aider à rester vivants. Voilà, il est même très moche, effectivement, pour ceux qui sont allés le voir sur Internet. Mais c'est un animal modèle pour pouvoir nous donner des enseignements très précieux sur le cancer. Tout à fait. Et en plus, l'explication se situe à deux niveaux, comme tout phénomène biologique. Donc, on a ce qu'on appelle les causes proximales, donc c'est-à-dire quels sont les mécanismes qui sont impliqués. Donc là, c'est ce qui vient d'être dit. Les gènes, l'acide hyaluronique qui est produit, etc. chez le râteau. Et puis après, il y a une autre question qui est d'ordre évolutif, c'est de dire, mais pourquoi la sélection naturelle a favorisé ce genre de mécanismes chez cette espèce-là. Et pour qu'un phénomène biologique soit entièrement compris, il faut qu'on soit capable de répondre aux deux questions, les mécanismes et le pourquoi de la sélection de ces mécanismes. Alors, on n'a pas tout à fait répondu à Patrice tout à l'heure, qui demandait pourquoi justement certaines personnes sont porteurs de cancers qui n'évoluent pas forcément. Alors, c'est une question qui est difficile, parce que si on avait la réponse, vous imaginez bien qu'on aurait déjà donc trouvé la solution au cancer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une part de malchance qui est certaine. Et donc là, actuellement, pour essayer de prédire l'évolution d'un cancer, certains chercheurs ont mis au point un index qu'ils ont appelé éco-évo, pour écologique et évolutif. Donc, en fait, une tumeur, c'est un écosystème comme un autre. Donc, du coup, on peut regarder son taux de renouvellement de cellules, l'irrigation par des vaisseaux, voire la prédation par le système immunitaire, etc. Et puis, en appliquant ces critères-là, ils ont été capables de définir 16 types de tumeurs. Donc, le moins dangereux qu'ils ont appelé le désert. Ce sont des tumeurs qui sont faiblement irriguées, avec un renouvellement cellulaire très faible. En fait, elles sont évolutivement inertes et il n'y a vraiment aucun intérêt à les retirer, ces cancers-là. Et puis, les plus dangereux, le sous-type donc 16, puisqu'on en a défini 16, ils ont appelé ça donc des forêts humides. Donc, ce sont des tumeurs où le turnover, le renouvellement cellulaire est très très fort. Beaucoup de prédation par le système immunitaire, ce qui fait que rapidement on sélectionne les cellules cancéreuses qui deviennent invisibles au système immunitaire, et donc cela, il faut absolument les retirer. Et donc en fait, on a vraiment un continuum de processus cancéreux, seulement une infime partie est réellement dangereuse, et donc ça pose des questions par rapport au dépistage. Pourquoi les inégalités alors, justement, entre les personnes? Inégalités, après, c'est le hasard des mutations que l'on peut provoquer si, bien sûr, on s'expose nous-mêmes à des mutagènes, tabac, alcool, soleil, etc. On augmente forcément statistiquement. Et après, il y a aussi différents épisodes de la vie. Si vous avez des épisodes d'immunosuppression, il peut y avoir des croissances des cellules cancéreuses à ces moments-là. Et puis, si malheureusement, on dépasse un certain seuil, ça peut être trop tard. Le processus est enclenché et on le découvrira plus tard et il faudra le soigner à ce moment-là. Brice nous dit, j'ai entendu dire que des cancers n'évoluent plus chez les personnes à partir d'un âge avancé. Pourtant, beaucoup de personnes âgées meurent d'une longue et cruelle maladie. Qu'en est-il vraiment alors? Alors effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement le cancer est une maladie qui augmente avec l'âge. Plus on vieillit, plus on a de chances d'avoir des cancers. C'est généralement des maladies qui touchent la deuxième partie de la vie, même s'il y a quand même quelques cancers chez les enfants et qui sont dramatiques. Mais ça reste quand même quelque chose de relativement rare par rapport au cancer, donc dans la deuxième partie de la vie. Et puis, pour des raisons qui sont encore mal comprises, effectivement, chez les personnes très âgées, il semblerait que le cancer ne soit plus réellement un problème. Alors, bon, il y a plein d'effets confondants possibles. Hein. On peut s'imaginer que les gens qui vivent très vieux sont des gens qui, à la base, étaient résistants au cancer et que les autres sont malheureusement partis avant et donc, du coup, on récupère que ceux qui... Bon. Après, c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, bon, peut-être on a calmé un peu le mode de vie par rapport à tout ce qui est mutagène, hein, les séances de bronzage, l'alcool, etc. Donc, on a peut-être un mode de vie aussi qui est moins... Propice au développement de la maladie. Ouais. De la maladie. Donc, il y a plein de raisons comme ceci. Après, il est possible également qu'il y ait des choses à découvrir dans la physiologie des personnes âgées qui expliqueraient pourquoi c'est défavorable aux progressions cancéreuses. Allez, encore deux messages. Celui de Patrice qui nous dit: quel est le poids factoriel de l'environnement, justement, vous en parliez, hygiène de vie, relationnel également. Alors, en fait, c'est un débat qui fait beaucoup de parler de lui en ce moment sur les causes qu'on appelle intrinsèques ou extrinsèques. Les multifactorielles, hein, parce qu'elles sont nombreuses. Hein. Les facteurs intrinsèques, ça peut être par exemple le nombre de cellules souches en division dans un organe. Évidemment, plus il y a de cellules souches en division, plus il y a de chances qu'il y en ait une qui déraille et qui va faire un cancer. Et puis effectivement, il y a les facteurs environnementaux. Certains organes sont plus exposés à des mutagènes, comme la peau au soleil, les poumons à la pollution, etc. On a certains organes qui sont ciblés par des agents infectieux qui donnent, qui augmentent les risques de cancer. Et donc, il y a également des facteurs évolutifs. Il y a des organes qui sont plus importants que d'autres pour vous maintenir en vie et capable de vous reproduire. Et ceux-là sont mieux protégés, toutes choses étant égales par ailleurs, à des risques cancéreux. Donc, c'est vraiment multifactoriel. Et effectivement, il y avait eu il y a quelques années un article dans Nature qui affirmait que c'était uniquement un problème de cause interne. Et un dans Science, 6 mois plus tard, qui disait que c'était que des causes externes. Donc, c'est vraiment un débat qui est loin d'être résolu. Pascal nous écrit et nous dit « Je combats un cancer, j'ai été très affecté quand j'ai compris que ce n'était pas un bug mais une attaque menée par mes propres cellules avec une stratégie allant jusqu'à endormir mon système immunitaire. » Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait le cancer en fait c'est avant tout nos propres cellules, hein. C'est pour ça que ça s'apparente à une forme de trahison interne, c'est pas un agresseur externe. Et une fois que le cancer est enclenché, eh bien il dispose malheureusement de tous les outils que la cellule normale possède, hein, ces mêmes outils qui ont permis de créer et de bâtir la vie, eh bien cette boîte à outils est malheureusement dans de mauvaises mains. Et donc et ces outils sont détournés, toujours par comme moteur sous-jacent la sélection naturelle, et puis on arrive à toutes sortes de stratégies, y compris endormir le système immunitaire. Les cellules cancéreuses même soit deviennent invisibles, soit elles arrivent même à se faire passer pour des cellules saines. Hein, toutes les solutions qui sont retenues par cette sélection, eh bien évidemment conduisent à la progression de la maladie. On va parler des origines infectieuses et aussi des cancers contagieux, beaucoup moins connus encore. Vous êtes notre invité, Frédéric Thomas, dans La Tête au Carré. J'suis dans une drôle de situation, 40 de fièvre et de rage. Mais quand te dresse, tu sais, c'est du plomb. Dans l'air, une voix de garage. Avec mon empire, si vite qu'il se tire, sans un sujet qui l'inspire. Avec mon nuage, ma bulle, mon visage, tu m'as rayé du passage. C'est pas une drôle de situation, 40 degrés, c'est pas bon. C'est presque final comme solution, presque pas normal au fond. Avec mes médailles en toc, ma ferraille, tu m'as laissé sur la paille. Cette rancœur si dure, elle fait peur. Tu m'as laissé sans une fleur. Mais je t'ai suivi, petite horloge. À ton profil, j'accrochais. Voilà soudain qu'on me déloge de ton cou où je dormais. De situation, à l'endroit même où se trame cette menace sur ma nation, et mon armée derrière qui rame avec ta machine de guerre qui dessine le prétendant qui s'affirme. Ta faucille, ton marteau en vrille, tu m'as repris ce qui brille. Je t'ai suivi, petite horloge, à ton profil j'accrochais. Voilà soudain qu'on me déloge de ton cou où je dormais. Drôle de situation, c'était Julien Baer. La tête au carré. Voilà, Frédéric Thomas avec nous pour ce livre « L'abominable secret du cancer » chez Humaine Science, avec beaucoup de questions pour vous sur le site de La Tête au Carré, sur franceinter.fr, et le mot-clé d'attaque, une question très simple de Claire, mais qui est absolument essentielle, puisqu'elle nous demande, elle vous demande, quel est l'intérêt pour le cancer, justement, de détruire son hôte ? Alors, il n'en a aucun, c'est simplement l'inéluctabilité de la sélection naturelle dans tout système vivant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la sélection naturelle ne fait que optimiser une situation par rapport à l'étape d'avant, mais sans vision à long terme, sans agenda. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt ni dans l'objectif du cancer de nous faire du mal ou de nous tuer, c'est simplement qu'il obéit à des règles de sélection naturelle. Alors, ouais. C'est vrai que la sélection naturelle, dans le cadre de l'évolution de la multicellularité, nous a rendu très forts pour éliminer le cancer. La vraie question, en fait, par rapport aux milliards de cellules qu'on a, il faut vraiment savoir qu'on a très peu de cancer par rapport au risque. Donc, en fait, tout ça parce que la sélection naturelle a optimisé les individus multicellulaires pour les rendre très résistants. Le problème, c'est que la sélection naturelle, elle favorise toute entité qui se réplique, y compris à des niveaux inférieurs. C'est-à-dire que même à l'intérieur de notre corps, ou même dans notre génome, on a des vrais parasites qui vont envahir notre propre génome, des gènes parasites, et puis on a également donc des cellules qui peuvent proliférer. Et donc c'est un résultat qui peut sembler idiot, mais au même titre que, vous savez, en été, dans un étang, on pourrait poser la même question de savoir quel est l'intérêt du plancton de proliférer jusqu'à créer des crises dystrophiques où tout va mourir. Simplement parce que la sélection naturelle travaille en temps réel, sans agenda, sans vision à long terme. Et l'objectif, c'est d'optimiser la prolifération, en fait. C'est ça. Tout à fait. Sans stratégie particulière. Tout à fait, quitte à arriver au résultat catastrophique. Ouais. Alors justement, certains cancers échappent au destin, entre guillemets, tragique, qui est le leur de mourir avec leur hôte, et c'est le cas de certains cancers contagieux, si vous voulez. Parlons-en, parce que c'est probablement une découverte pour la plupart d'entre nous, c'est-à-dire que le cancer peut être contagieux dans certains cas. Tout à fait. Alors déjà, ce qu'il faut bien distinguer, c'est les cancers contagieux des cancers qui ont une origine infectieuse. C'est pas du tout la même chose. Ce que l'on sait, que beaucoup de gens savent, c'est qu'il y a donc des cancers qui ont une origine infectieuse. C'est presque 20% aujourd'hui, selon l'OMS. Au début des années 70, on estimait seulement à 1% le nombre de cancers contagieux. Et puis grâce aux recherches scientifiques, on sait aujourd'hui que c'est 20%, 15 à 20% des cancers qui ont une origine infectieuse. Comme, et ça pourrait exploser. Bien sûr, c'est-à-dire que là, c'est dans l'état actuel des connaissances. Certains auteurs, certains chercheurs n'hésitent pas à dire que c'est même l'immense majorité des cancers qui auraient une origine infectieuse. Alors, c'est capital de savoir si c'est vrai ou pas, parce que autant c'est difficile de soigner un cancer métastatique, autant c'est relativement simple, assez souvent en tout cas, de soigner une infection ou de la prévenir par un vaccin. Et donc, si le cancer est dû à une infection par un parasite ou un virus qui nous fait dérailler les cellules, et ben en évitant cette infection, on évite toute la cascade d'événements, dont le cancer. Quel cancer, par exemple, dans ce cas-là ? Alors, on a le cancer du col de l'utérus, avec les papillomavirus, les sous-types 16 et 18, qui sont maintenant bien connus. On a les hépatites, avec le cancer du foie. On a le cancer de l'estomac, avec la bactérie, Helicobacter pylori, etc. Ouais. Donc ça, ce sont donc des cancers qui sont une origine infectieuse. C'est-à-dire que le cancer lui-même n'est pas contagieux. C'est l'agent infectieux qui est responsable du déraillement cellulaire qui, lui, est contagieux. Et alors, les contagieux ? Alors, dans certains cas, le cancer peut être directement contagieux, c'est-à-dire que l'agent infectieux, cette fois, c'est la cellule cancéreuse. C'est elle qui se transmet. Le simple contact, finalement, avec cette cellule. Tout à fait. Alors, il n'y a pas beaucoup d'exemples, en tout cas, dans l'état actuel des connaissances encore, mais ils sont tout à fait spectaculaires. Donc, un particulièrement emblématique, c'est celui qui concerne les diables de Tasmanie. Donc des marsupiaux qui vivent donc en Australie et qui sont particulièrement agressifs. C'est des animaux qui se mordent tout le temps. Ils se mordent dès qu'il y a un morceau de viande, dès que c'est la reproduction, etc. Et donc à la faveur de ces morsures, ils se transmettent des cellules cancéreuses qui en 6 à 8 mois évoluent vers des tumeurs faciales épouvantables. Encore, si vous voulez voir des photos sur Internet, vous allez voir, c'est pas beau du tout. Et donc en fait, ce cancer est apparu il y a 25 ans et il a éradiqué 90% de la population de diables de Tasmanie. C'est donc un animal aujourd'hui qui est menacé d'extinction à cause d'un cancer contagieux. Ouais. Et alors, il y avait une bonne nouvelle. Ces temps-ci, on s'est aperçu que là où l'épidémie était apparue, on a les premiers diables résistants au cancer. Mmh. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un deuxième cancer contagieux qui vient d'apparaître. Et s'il a autant d'impact que le premier, on peut être pessimiste. Alors, vous citez cet animal, mais chez l'humain, est-ce qu'on en trouve aussi ou pas ? Alors, dans le cadre de l'humain, il y a quelques cas de contagion, notamment pendant la grossesse, lorsque malheureusement les cellules cancéreuses arrivent à perdre ce qui leur permet d'être reconnues par le système immunitaire. On peut avoir un passage, alors c'est fort heureusement très rare. Après, quand vous avez des jumeaux, des vrais jumeaux monozygotiques, si dans in utero, il y en a un qui développe une leucémie, il peut la refiler à l'autre. Je lisais également, là, dans la revue médicale Lancet, là, un patient qui était atteint du sida, donc était donc immunodéprimé, eh bien, il avait également un ver solitaire, et son ver solitaire avait un cancer, il a attrapé le cancer de son ver solitaire. Mmh. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le cancer, quand il y a une route possible de transmission, il peut passer. Voilà. Et donc, les deux autres exemples, juste pour terminer, c'est donc un cancer qui est sexuellement transmis chez les chiens, et récemment a été découvert également une leucémie chez des bivalves qui vivent surtout en Amérique du Nord et au Canada. Et alors, ce qui est remarquable dans le cas de ce cancer contagieux chez les bivalves, c'est que les cellules cancéreuses sont capables de sortir d'un bivalve, en quelque sorte de nager comme des stades infectants d'un parasite pour infecter d'autres bivalves. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que ces cellules cancéreuses sont capables de passer la barrière des espèces et d'infecter 4 à 5 autres espèces de bivalves. L'objectif, parce qu'il faut parler stratégie thérapeutique évidemment, Frédéric Thomas, pour le peu de temps qui nous reste, ce serait de guider, vous écrivez, son évolution au cancer pour l'amener finalement là où il ne ferait pas de mal. Donc exactement. Ça c'est évidemment la théorie. C'est la théorie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement le cancer nous tue parce qu'il vient contourner petit à petit toutes nos défenses naturelles, puis toutes nos thérapies jusqu'à la dernière. Ouais. Donc c'est une mauvaise nouvelle que le cancer évolue, mais c'est en même temps une bonne nouvelle pour les biologistes de l'évolution, parce que ça veut dire qu'en théorie, on peut apprendre à guider son évolution pour l'amener justement là où il ne fera pas de mal. Donc il y a plusieurs idées pour le guider, et comme je disais tout à l'heure, les cellules cancéreuses n'ont pas d'objectif à long terme, alors que nous, on en a, bien sûr. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut avoir des stratégies pour les amener là, justement, où peut-être un jour on nous dira « Bon, il y a une mauvaise nouvelle, vous avez un cancer, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le traitement mis en place, c'est pas ça qui va vous tuer. » Ouais, donc là, on est vraiment avec des pistes de recherche qui sont très importantes. Tout à fait. Alors, il y a, par exemple, en Floride, l'oncologue Robert Gattenby, qui traite ses patients avec ce qu'il a mis au point et qu'il appelle la thérapie adaptative. Donc, en fait, il a commencé par faire des modèles mathématiques. Ensuite, il a testé ça sur ses souris. Et maintenant, il traite ses patients, notamment par rapport au cancer métastatique de la prostate. Donc, en fait, c'est une stratégie qui est basée sur la logique ennemi, mon ennemi et mon ami. Voilà. Donc en fait, en gros, si vous avez une tumeur avec déjà des variants résistants et que vous sortez la grosse artillerie, les résistantes vont gagner deux fois parce qu'elles ne sont pas tuées et puis ensuite parce qu'elles n'ont plus de compétiteurs. Donc en fait, il tue seulement une petite partie des cellules cancéreuses sensibles et il maintient la compétition dans la tumeur et la tumeur n'évolue pas. Voilà donc des pistes pour le futur grâce à la biologie de l'évolution aussi. Hein, quand les disciplines s'associent, ça peut donner justement des espoirs forts pour le futur. Ça s'appelle L'abominable secret du cancer. C'est tout à fait passionnant. C'est chez Humaine Science et vous en êtes l'auteur, Frédéric Thomas. Merci beaucoup d'être venu de Montpellier pour nous en parler cet après-midi. Merci beaucoup, Mathieu. À bientôt. La science grand format en partenariat avec France 5. Bonjour Perrine Poubeau. Bonjour Mathieu. Ce soir, Science Grand Format, 20h50, on part à la découverte de Titan, une des lunes de Saturne dans ce documentaire « À la conquête de Titan ». Et ce film retrace un chapitre extraordinaire de l'exploration spatiale, l'aventure de la sonde Cassini-Huygens qui a observé Titan entre 2004 et 2017. Et ce récit raconté par les hommes et les femmes qui ont participé à cette mission. Pourquoi avoir choisi Titan exactement alors ? Titan, c'est une planète unique dans notre système solaire. C'est la seule entourée d'une atmosphère et surtout, elle s'est révélée la meilleure candidate pour abriter la vie. Alors racontez-nous comment est né ce projet fou de poser une sonde à plus d'un milliard et demi de kilomètres de notre planète Terre. Le projet est né de la collaboration entre la NASA et les agences spatiales européennes et italiennes. Elle a mobilisé 18 pays, une centaine de chercheurs. Et cette mission, en fait, est composée du vaisseau orbiteur Cassini, qui transporte la sonde Huygens, pour la libérer dans l'atmosphère de Titan. Et son lancement a eu lieu le 15 octobre 1997 et fin juin 2004, Cassini est arrivé à proximité de Saturne. Hein. Et c'est une des phases les plus dangereuses du voyage. Le vaisseau doit se placer en orbite et traverser les fameux anneaux de glace. La tension est à son comble. On écoute d'ailleurs le témoignage d'Athéna Koustenis, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris. Pour la deuxième fois, le fragile vaisseau émerge sain et sauf. C'était assez extraordinaire comment les ingénieurs ont pu faire passer le vaisseau spatial dans la division des anneaux la plus large et faire ressortir de l'autre côté. Et à ce moment-là, on a tous respiré un grand coup. On a vu les premières images qui étaient les images des anneaux, puisqu'on les a survolées, qu'on est passé au-dessus. Et les caméras de Cassini nous ont retourné des images avec une résolution qu'on n'avait jamais vue auparavant. Voilà, on sent l'émotion et après cette mise en orbite, on a assisté à un autre moment très intense, Perrine. Oui, c'est quand Cassini a largué la sonde. Cassini est resté en orbite pour cartographier Titan. Et là, on a découvert un monde magnifique et très similaire à notre Terre, avec des collines, des déserts de sable, des rivières asséchées. On a détecté aussi des hydrocarbures, des matériaux organiques et un possible océan souterrain. Ce qui fait de Titan une des planètes les plus à même d'accueillir la vie et pourquoi pas de devenir pour nous une colonie d'ici quelques générations. Oui, quelques générations, effectivement. Une formidable aventure humaine et technologique, un film de 90 minutes, hein, réalisé par Frédéric Ramad, qui sera donc diffusé ce soir, 20h50, dans Science Grand Format. Merci Perrine, à bientôt. Merci Mathieu.